L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. À suivre, Yom, artiste, musicien, clarinettiste, compositeur, qui est en résidence à l'apostrophe de Cergy Pontoise. Et nous allons parler bien d'une nouvelle création. D'ailleurs, elle a été présentée récemment, je crois, au Festival de Jazz à Coutances, en Normandie, dans un cadre particulier. Et nous aurons l'occasion donc d'assister à cette nouvelle création à Cergy Pontoise dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise. Et tout cela donc proposé dans trois lieux dans le Val d'Oise. Le 17 novembre à la Collégiale Saint-Martin à Montmorency, le 18 novembre à la Cathédrale Saint-Maclou à Pontoise et le 21 janvier 2018 à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Gonesse. Là, on va parler d'un spectacle, d'un concert où il s'agit d'abord et avant tout d'une rencontre entre Yom avec Baptiste Florian Marlouvrard, concertiste international, mais au-delà de ça, musicien titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Eustache à Paris. Et on se dit, mais comment peuvent-ils avoir l'un et l'autre eu l'idée de se rencontrer et surtout de créer ce concert, cette création ? Effectivement, ouais, c'est une rencontre particulière. Alors c'est quand même un projet qui est à mon initiative parce que moi ça faisait à peu près 2 ans que je voulais à tout prix travailler avec l'orgue. Parce que c'est un son, un instrument que j'affectionne particulièrement au point de vue de sa sonorité. Mais aussi le fait que par définition ça ne puisse être joué que dans les églises, voire souvent dans les cathédrales. Parce que c'est quand même les grandes orgues, hein, c'est pas des petites orgues comme ça, c'est vraiment des énormes instruments. C'est quelque chose qui m'obsédait depuis longtemps, j'avais envie de ce cadre musical et instrumental. Et en même temps, comment exister, clarinettiste de son état, comment Yom peut exister musicalement face à cette hyper-résonance et magnifique résonance de grandes orgues ? Il y a plusieurs choses. Bon, de toute façon, sur des orgues comme celle de Saint-Eustache, qui fait quand même 8000 tuyaux, là, c'est impossible. Enfin, voilà, moi, avec un tuyau, je peux rien faire. Donc, on est obligé de sonoriser la clarinette. Alors, on fait une sonorisation vraiment subtile qui permet de rehausser le niveau de la clarinette, mais en restant vraiment dans un équilibre totalement acoustique. L'idée n'est pas du tout de tout à coup transformer tout ça en un son électro. C'est vraiment rester complètement acoustique, mais juste aider la clarinette à exister avec l'orgue. Et après, Baptiste Florian, qui est un grand virtuose de l'instrument, c'est aussi quelqu'un qui travaille énormément sur les timbres et l'orgue. Il y a énormément de possibilités en ouvrant ou non les différents jeux, donc les différents tuyaux, de travailler sur la sonorité et donc le volume aussi de l'orgue. Et donc il sait très très bien s'adapter au son de la clarinette selon les parties, selon les moments. Et à certains moments, ça demande le côté vraiment symphonique de l'orgue. Et dans ces cas-là, évidemment, le micro vient récupérer ce que la clarinette ne suffit pas en elle-même acoustiquement à produire. En même temps, au-delà de la rencontre des deux artistes, c'est la rencontre de deux instruments. Est-ce que c'est l'occasion pour le coup de créer un nouvel univers musical et pas simplement reprendre ou voir composer comme on a déjà composé avant pour les grandes orgues, il y a eu comme ça d'autres compositions. Est-ce que là c'est une rencontre qui débouche effectivement sur un univers musical nouveau? Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure donc je disais que j'étais à l'initiative de cette rencontre, c'est moi qui ai amené le répertoire, mais après c'est à partir du moment où on a commencé à le travailler ensemble que le répertoire s'est réellement créé. Parce que écrire pour grandes orgues et clarinettes en soi, en tout cas dans les choses que je pouvais avoir un peu dans la tête, en soi ça veut rien dire. L'idée c'était vraiment de voir nos deux personnalités, parce que Baptiste Florian est un très grand improvisateur aussi, et donc il y a une partie d'improvisation à l'intérieur de ce répertoire. C'est à partir du moment où on s'est rencontré, qu'on a travaillé sur les timbres, sur les différentes parties, sur les liaisons entre les parties, sur l'unification globale de tout ça, que je crois que là, à ce moment-là, on a créé quand même quelque chose d'assez unique, qui à mon avis ne s'est jamais entendu, qui n'est pas du tout des musiques juives traditionnelles mélangées avec une musique de messe. On n'est vraiment pas du tout là-dedans, ça va chercher aussi du côté carrément de Messian, de Ligeti, on va chercher vraiment sur des choses plus contemporaines, mais aussi à un moment on reprend une prière juive qui s'appelle Eliata en fugue à 5 voix, parce que Baptiste Florian est capable comme ça de prendre le thème et tout à coup il me dit « Ah mais ce thème-là j'adore, on dirait une fugue » et hop, c'est, et et voilà, c'est vraiment totalement transversal. C'est une espèce de communication entre deux cultures et une telle communication que c'est plus aucune des deux cultures. C'est vraiment la somme des deux devient plus que l'addition des parties. Enfin, je ne sais pas si c'est très précis ce que je raconte. En même temps, ça ne se limite pas, j'ai l'impression, parce que ça ne se limite pas à cette rencontre entre deux instruments, deux musiciens. C'est aussi les lieux qui vont participer de cette création, les fameuses vibrations. D'ailleurs, là, dans notre conversation, on entend quelques vibrations, mais celles qui auront lieu dans les lieux de concert, on parle plus de vibrations mystiques. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que ça va emporter les deux instrumentistes, les deux interprètes que vous êtes l'un et l'autre, et les instruments vont être emportés aussi dans ces vibrations mystiques, non ? Bah, c'est exactement ce qui s'est passé dès les premières répétitions. On a répété à Saint-Eustache, on a répété aussi à l'église de Clichy, et donc évidemment à la cathédrale de Coutances. Et effectivement, moi j'aurais même tendance à dire qu'à la fin c'est plus un duo, c'est vraiment un trio. C'est-à-dire que les lieux dans lesquels on joue, qui sont souvent des lieux qui ont mis 50 ou 100 ans à être construits, qui ont été après transformés au cours des siècles, mais dont les premières pierres ont pu être posées entre le 10e et le 13e siècle. Enfin, je veux dire, on peut pas jouer dans des lieux comme ça de manière anodine. Ça vient alimenter la musique, ça vient... Il y a des millénaires comme ça qui sont là dans les murs et qui murmurent d'ailleurs dans la musique. Et pour moi, c'est d'ailleurs aussi ça que je cherchais. En allant jouer avec Baptiste Florian, en allant jouer dans un répertoire qui ne puisse se jouer que dans des églises ou dans des cathédrales, dans des vrais lieux de patrimoine. Et puis après, il y a le côté quand même aussi du lieu de culte qui rajoute quelque chose, c'est-à-dire c'est quand même des lieux où on va pour trouver le silence, pour l'intériorité, l'introspection, et c'est quelque chose qui me semble très important, même dans la manière d'écouter la musique. Le public n'est pas le même dans un lieu comme cela. Tout à coup, on est beaucoup plus concentré, on est plus grave, et on peut aller, je crois, plus loin tous ensemble. Oui, sans pour autant forcément et obligatoirement être croyant, croire en Dieu, croire en quel que soit son Dieu. On est forcément transporté par la musique quand elle se produit dans un lieu comme celui-ci. Alors, j'ai lu que le répertoire à l'occasion de ce type de concert est conçu comme un recueil de prières musicales et d'offrandes sonores. Donc, il y a vraiment cette idée dans la relation avec le public, c'est-à-dire que le public, il est là aussi. Hein, il n'y a pas que les musiciens, il n'y a pas que le répertoire, il n'y a pas que ces fameuses vibrations dont on vient de parler, mais il y a cette idée d'offrande, le mot est juste. Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans ce répertoire en duo, ne serait-ce que par la place de la tribune d'orgue, qui est donc en hauteur, cachée derrière le buffet souvent de l'orgue, donc en fait on ne voit pas l'organiste. Moi je suis à côté de Baptiste Florian, alors il y a des moments où je descends dans le public et je déambule dans le public à deux moments assez précis du spectacle, mais sinon je suis à côté de lui tout là-haut perché sur la tribune, et donc déjà notre présence physique n'a pas grande importance, on nous voit à peine, on voit déjà beaucoup plus l'instrument, l'orgue est monumental, mais nous on est vraiment tout petit là-haut perché, et donc le bâtiment devient plus important, l'architecture, les sculptures, et je crois que ça permet, comme ça, en nous dématérialisant, d'abolir totalement notre ego de musicien et de se concentrer uniquement sur la musique. Et enfin, moi, c'est mon but le plus suprême, c'est quand on parle d'offrande musicale, c'est d'arriver à se retirer soi-même en tant qu'individu totalement pour qu'il n'y ait plus que les ondes musicales qui circulent dans l'atmosphère et qui viennent aller au plus proche, voilà, du cœur du public. En même temps, le public, il aime bien voir aussi. Et donc, on se dit, est-ce que ça suppose une forme de scénographie, justement, pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments et de cette situation particulière ? Car là, effectivement, on n'est pas sur une scène de spectacle traditionnelle. Alors, effectivement, on a adapté deux, trois choses qui, moi, me paraissaient importantes, c'est-à-dire le fait que moi, je puisse descendre, d'abord s'adresser au public avant le début du concert, faire un discours en bas, vraiment face à face avec le public. Pour commencer, toujours, pour moi, c'est très important la communication avec le public, donc il ne s'agit pas du tout de faire quelque chose caché là-haut, et puis oui, on s'en fout, on fait notre truc dans notre coin, pas du tout. Donc on discute d'abord, et puis après, il y a des choses qui se passent en bas, Je descends de temps en temps, je fais un petit tour avec le public pour justement pour amener cette, pour rassurer presque, je dirais. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'exigeant dans cette écoute dans l'église, dans cette écoute comme ça, séparée des fois par 10-15 mètres. À Saint-Eustache, c'est quand même 17 mètres de hauteur, la tribune est perchée à 17 mètres. Donc voilà, ça crée une certaine distance, mais bizarrement, je l'ai vu à Coutances, ça crée aussi une telle concentration que je crois, comme moi souvent quand je joue avec les musiciens, je ferme les yeux, donc je ne les vois pas, et pourtant je sais qu'on est en communication ultra intensive, hein, ultra intense. Là, je crois qu'on arrive à ce truc-là, le public nous voit, et nous entrevoit, et puis nous devine, et puis tout à coup nous aperçoit, mais en fait, la communication, elle passe à 100%. Comme on dit, les lieux s'y prêteront, on entre en communion avec le public. Ouais, c'est, je crois qu'on ne pouvait pas mieux le dire. Juste rappeler que ça sera présenté dans le Val d'Oise le 17 novembre à la Collégiale Saint-Martin à Montmorency, le 18 novembre à la Cathédrale Saint-Maclou à Pontoise et enfin le 21 janvier prochain à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Gonesse. Tout cela présenté à l'affiche de la nouvelle saison 2017-2018 de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et présenté également dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise, pour être tout à fait complet, avec Baptiste Florian Marle Ouvrard et Yom, notre invité. Prière, retenez bien le titre de ce spectacle et de ce concert. Merci Yom. Merci beaucoup.